C'était pas loin de la place d'Italie. Pas loin de la place d'Italie. Ouais. Bon, en fait, c'est une grande avenue, il y avait le métro. Et on avait une procédure. Toutes les bouches de métro, il y avait une paire de gardiens de chez nous. Et on interpellait tous les Nord-Africains qui sortaient. Carte d'identité. S'il habitait dans le secteur, il rentrait. S'il était du 20e, il repartait. D'accord. Donc finalement, il y avait un filtrage aussi de ce. Infiltrage. Ils vendent des voitures, les marchés. On filtrait tout. Et les civils, ceux qu'on était en. Les sonnettes en civil, ils partaient dans les cafés arabes, là, poker, tout ça. Puis ils étaient là en train de recueillir des renseignements. Vous savez que j'avais. Ma section, il y en avait 100 qui étaient. J'avais 100 effectifs à ma disposition, dont dans les 100, j'en avais 10 qui faisaient du renseignement civil. Voilà. Vous faisiez des perquisitions. Oui. Dans l'article 16. On travaillait avec l'article 16. Mmh. Il y avait l'article 16 en vigueur. C'est pas moi, hein. Vous perquisitionniez quoi exactement? De jour, de nuit, n'importe où, n'importe comment. Et vous trouviez des choses? Oui. C'est-à-dire? Des armes, des documents, des listes. Ils étaient en général, le FLN opérait où? Ils avaient des lieux spéciaux ou... Ils avaient des endroits de prédilection, ils avaient des cellules à Bouillon-Billancourt sur Renault. Ils avaient des, chez Simca, ils avaient des cellules aussi à Nanterre, ils avaient, dans le 13e arrondissement, ils avaient des cafés qui étaient sous leur coupe, etc., etc. Il y avait tout le réseau de prostitution qui était en main, ils faisaient des renseignements, les prostituées. Et nous, le boulot consistait à boucler le 13e, à rassurer les gens, les Noirs africains, et on a cassé les collectes de fonds. Et vous avez, en 2 mois, vous avez réussi, hein, réussi ça? On a fait ça, ouais. En 2 mois, 3 mois maximum, on a réussi ça. Après, quand il s'est calmé un peu, et on a eu des arrestations, bien sûr. Et c'est là que je me suis aussi posé des questions pour certains métropolitains, malheureusement, que je déplore, c'est-à-dire ceux qui aidaient le FLN. Si vous voulez, un attentat à Place d'Italie, un gardien de la paix qui se ramasse une balle dans la poitrine, et on ne trouve pas le tueur. Et j'arrivais en renfort, j'arrivais sur place pour voir ce qui se passait, avec 5 ou 6 gardiens de la paix, j'étais en civil, et puis j'ai vu un Nord-Africain. Oui, vous arrivez à Place d'Italie. Et puis j'ai vu un couple comme ça, mixte. Le gars, il était un peu bizarre quand il nous a vus. Quoi. Je l'ai interpellé, je l'ai fouillé, il n'avait rien. Et puis après, j'ai demandé à la fille de m'ouvrir son sac. Elle a refusé de l'ouvrir, parce que soi-disant, on n'était pas des policiers, on était des Arabes, comme on avait dit déjà, des mercenaires, un truc comme ça, un truc péjoratif, quoi. Mm-hmm. Je dis, madame, vous me suivez au poste avec votre copain. Je les ai embarqués au poste tous les deux, c'est là où j'ai trouvé le pétard qui a servi à descendre le policier. C'était la première fois que c'est la première fois que vous êtes douté que des Européens pouvaient collaborer avec des... Non, je le savais, on avait... En 1957, déjà, je savais très bien qu'il y avait des métropolitains qui aidaient le FLN, quoi. Mm-hmm.